L'économie pour les enfants avec Mathieu Giroux. Dédicace à ASRL. Histoire de l'économie physique. L'économie physique vous explique comment les richesses pouvant pour certaines s'acheter sont produites. Elle indique aussi comment il est possible de croître la population en augmentant le niveau de vie grâce à la créativité humaine. La créativité humaine agit sur la production agroalimentaire et industrielle par les inventions de rupture ou les innovations. En Grèce et en Égypte, il y avait beaucoup de citoyens libres. Les Grecs de l'Antiquité utilisaient des esclaves dans leur industrie parce qu'il n'y avait pas de machine à moteur. Cela vous paraît évident, mais ce principe de moindre action est remis en question aujourd'hui. En effet, en 2013, beaucoup se plaignent des machines-outils. Le problème est avant tout que la France n'en fabrique plus suffisamment. L'esclavagisme et la centralisation de la monnaie ont causé l'implosion des civilisations grecques et romaines. Cela mit temporairement fin aux découvertes scientifiques égyptiennes et grecques. Les Grecs et les Égyptiens utilisaient beaucoup la géométrie dans les mathématiques. Les Égyptiens ont ainsi défini le principe de moindre action. Ce principe permet de créer facilement des figures géométriques. Cela leur permettait d'élever leur esprit pour comprendre comment construire dans l'espace. Aujourd'hui encore, la géométrie est essentielle pour comprendre l'infiniment petit. Or, elle est insuffisamment enseignée depuis les années 60. Au XVIe siècle, Nicolas de Cuse définit le principe de minimum-maximum, lié avec la transformation d'arc de cercle en droite. Cette démonstration est issue du principe de moindre action des Grecs. Nicolas de Cuse démontre aussi qu'il est impossible de créer un cercle avec un polygone. Il met donc en avant la notion d'infini présente partout dans l'univers et dans la vie. Au XVIe siècle, Kepler a déterminé géométriquement le poids de la Terre en comprenant les trajectoires elliptiques des planètes du système solaire. Avant, les trajectoires des planètes n'étaient pas comprises. Pour comprendre les trajectoires des planètes, Kepler a créé le cosmographe. En créant le cosmographe, Kepler a ainsi créé les fondements de la physique mathématique dépendant de la géométrie. Kepler n'aurait jamais pu déterminer la masse de la Terre sans son cosmographe, avec Mars. Pourtant, en 2013, la géométrie est enterrée au lycée en France. On dit que c'est pour spécialiser les élèves. Seulement, beaucoup d'élèves deviennent alors dépendants de leurs propres connaissances et sont incapables d'évoluer pour que la science évolue. Pourtant, trouver de nouvelles idées en allant sur ses limites fait le scientifique. La géométrie de Kepler a pourtant permis de grandes découvertes. Léonard de Vinci a créé beaucoup de machines au XVe siècle. Vous pouvez voir ses créations dans différents livres d'images. Léonard de Vinci a créé toutes sortes d'engrenages permettant d'élaborer une machine à vapeur. Il utilisait le principe de moindre action permettant de gagner en efficacité. La machine à vapeur va être ensuite élaborée par Denis Papin au XVIIe siècle grâce à la découverte d'alliages plus résistants. Denis Papin a été le collaborateur de Leibniz. Leibniz a voulu utiliser le principe de moindre action pour révolutionner l'exploitation minière. Les travaux de Leibniz vont de la philosophie à la science en passant par l'économie. Leibniz a sublimé le principe de moindre action. Ce principe est présent dans l'économie physique pour résoudre les problèmes liés à l'esclavage. En effet, les machines de l'époque, même si elles apportaient des emplois qualifiés, nécessitaient un gros travail physique. Leibniz a fourni ses travaux à la Russie de Pierre Ier, qui a sublimé au XVIIIe siècle la Grande-Bretagne dans l'exploitation minière. Christian Huygens, autre collaborateur de Leibniz, va permettre l'élaboration des moteurs à combustion beaucoup plus tard cependant. Au XIXe siècle, le physicien Sadi Carnot comprenait que la géométrie permettait d'englober des phénomènes physiques afin de construire des machines. Il élabore le premier système permettant de comprendre l'utilisation de la chaleur, sur laquelle nous avons encore des découvertes à effectuer. Sadi Carnot montre très clairement qu'il existe des moments de contraction et de détente d'air dans sa machine agitée par la chaleur. Ce système permet de comprendre la thermodynamique, la science de la chaleur. La thermodynamique a permis d'élaborer ensuite les moteurs à combustion. À ce sujet, la thermodynamique consiste à dire qu'il y a des mouvements de chaleur, même si Lord Kelvin a voulu démontrer qu'il n'y en aurait plus au bout d'un certain temps. Ce sont les travaux de Lord Kelvin qui ont tenté de faire croire que tout sera raréfié. Cela est chaque jour contredit par les trouvailles scientifiques. Là encore, la géométrie et le principe de moindre action vont permettre de créer le moteur à combustion. L'invention du moteur à combustion va permettre avec le pétrole de donner la possibilité à l'être humain d'abolir législativement l'esclavagisme. Les moteurs nous permettraient aujourd'hui de prétendre à une civilisation humaine créative. C'est ce qu'ont élaboré Alexander Hamilton, Friedrich List et Henri-Charles Le Carré avec la Banque nationale publique. Cette banque crée une monnaie politique publique, un crédit permettant les grands travaux, banque qui appartient au peuple avec un protectionnisme utile. Les livres de Friedrich List et Henri-Charles Le Carré sont dans le domaine public. Vous avez dans ces livres l'ensemble du système économique expliqué. Dans le livre de Friedrich List, la partie sur l'Espagne et le traité de Methuen apprend beaucoup sur les failles de l'économie monétaire. On voit que Adam Smith, le gourou de l'économie actuelle, est réellement un idiot notoire qui ne sait même pas comment fonctionne un entrepreneur. La méthode Larouche-Rehman est une démonstration des travaux de Nicolas Decuze sur l'action conique autosimilaire. Leibniz a engagé des travaux dans cette théorisation de l'économie humaine avec l'action circulaire. Rehman a continué le travail permettant à Lionel Larouche de préciser l'utilité d'une telle méthode, permettant par ailleurs de voir les crises se dessiner tout en proposant le développement humain. Larouche rappelait régulièrement que le pouvoir de l'argent, pour lequel beaucoup adhèrent en temps de crise par le productivisme et le libéralisme, amène une autodestruction de l'humanité appelée cancer. Ainsi, ses militants sont amenés à croire en un dieu qui agit contre le cancer systémique, cancer nécessitant action militante dirigée par l'Esprit Saint, puis le Christ, puis Dieu. L'action circulaire permet maintenant de comprendre l'évolution économique et démographique humaine. Elle remplace les graphiques en deux dimensions, ne permettant pas de comprendre l'évolution de l'économie humaine. Notre raison créative nous a toujours séparés de l'animal, comme l'explique Friedrich Schiller. Il est d'ailleurs possible de créer une société où chaque citoyen évolue, une société de chercheurs. Le protectionnisme utile, qui consiste à protéger l'industrie et l'agriculture, permet d'accéder à ce genre de société en protégeant la créativité humaine. Quand on a goûté à la créativité, on a envie d'évoluer. L'économie monétaire, en faisant pression sur la production avec le fameux rapport qualité-prix, fait pression sur les industries, casse toute possibilité de protectionnisme à la Roosevelt, puis à la Manes France ou à la De Gaulle, permettant à chaque peuple de faire valoir sa raison créative. Le protectionnisme à la Roosevelt permet d'éradiquer toute forme d'usure, notamment avec une monnaie équitable à véritable valeur productive. Roosevelt avait cette envie compréhensible de développer l'Afrique, ce que la France n'a malheureusement pas voulu faire malgré une monnaie publique. Quand on développe l'autre, on se développe soi. L'économie physique explique qu'une économie humaine doit se gérer humainement, c'est-à-dire en protégeant et en englobant la créativité humaine. L'économie physique est une économie englobant le principe du moyen d'action, possible grâce aux énergies denses. On parle alors d'économie du travail grâce à la densité de flux d'énergie. Les machines vont en effet permettre aux ouvriers d'être plus tranquilles, encore faudrait-il qu'ils soient favorisés. Les découvertes ci-avant ont permis un potentiel de densité démographique relatif. C'est-à-dire qu'elles auraient permis à la population de croître en augmentant le niveau de vie. Autrement dit, une population qui utilise une invention permettant un potentiel plus élevé de démographie se trouve dans l'abondance si elle fait les bons choix politiques. Lecture. Approche lamicienne de la science économique. Mes notes. Pourquoi pouvons-nous nous développer ? C'était l'économie pour les enfants avec Mathieu Giroux. Dédicace à SRM.